problème. Eh bien bonjour et bienvenue pour cette première émission de la route du Ciné Club, donc une nouvelle émission orientée cinéma, où donc on va s'écharper sur des films. Le principe c'est comme un club de lecture. On va tirer au sort parmi une liste de films qu'on a très envie de voir ou très envie de faire découvrir aux uns et aux autres. Et on va le visionner, on va parler de cette découverte, on va essayer de parler du film, de vous faire découvrir des choses. Et le but c'est aussi de sortir de nos zones de confort. C'est aussi le principe que je ne sois pas seul et que je sois accompagné avec des gens qui ont peut-être des envies et des goûts un petit peu, qui veulent faire partager des choses. Ah, je vais faire complètement dans le désordre, je ne sais pas comment faire, on va commencer peut-être par Florent. Salut Florent. Salut. Salut, je suis également avec Maxime. Salut, salut. Et Alexandre. Et salut, salut. Et aujourd'hui, pour cet épisode dédié au dernier Star Wars, nous sommes également avec Raphaël. Salut. Salut, Raphaël. Et Juliette, qui est derrière, mais qui n'a pas vu le film. Bonjour, Juliette. Alors, on va se présenter un petit peu, parce que pourquoi on a envie de faire cette émission de cinéma, c'est parce qu'on adore le cinéma, on baigne dedans depuis un petit peu, depuis longtemps, et on a aiguisé notre culture ciné petit à petit, et y a différentes choses qui nous font aimer le cinéma. Alors on va un petit peu se présenter, qui on est et quelles sont nos affinités. Alors pour ma part, j'ai un peu commencé par du cinéma hollywoodien, très traditionnel. Je suis resté très cinéma américain quand même, quoi qu'il en soit. Alors je crois que mes premières émotions ciné, c'était avec les Star Wars, l'Indiana Jones, où j'ai compris qu'on pouvait faire du grand spectacle et du divertissement avec quand même une grosse couche artistique et de l'émotion. Alors j'ai appris après qu'il y avait beaucoup d'autres types de cinéma. Et maintenant, aujourd'hui, peut-être que mon genre préféré, c'est... Je suis plutôt dans le cinéma d'action, le cinéma bis. J'aime beaucoup le cinéma bis et le cinéma d'horreur. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais te dire que mon réalisateur qui m'a le plus marqué, c'est peut-être John Carpenter et Spielberg, je pense, dans les deux. Je suis vraiment du classique. ça va être compliqué de faire plus classique que ça. Alors peut-être que vous allez aussi faire dans le méga classique, mais bon, on va pas vous blâmer. Florent, si tu veux te présenter un petit peu. Oui, alors, moi je te rejoins un petit peu sur le cinéma américain. C'est vrai que moi je le dois à Alexandre, ça, on a toujours beaucoup regardé de films à la maison. Et en fait, là où ça a commencé vraiment à m'intéresser, c'est quand on m'expliquait comment c'était fait. Et ce qui fait que voilà, j'étais assez fasciné par le film en lui-même et puis par ce qui était les à côté du film. Moi, mon film préféré, c'est King Kong, l'original de 1933, que j'ai vu quand j'avais 9 ans et où je me suis tout de suite intéressé à comment c'était fait. Et voilà, c'est vrai que ça fait partie. La technique m'intéresse aussi quand même beaucoup. Et c'est vrai que comme j'aime beaucoup le cinéma américain et qu'ils ont apporté des choses en matière d'effets spéciaux, tout ça, il y avait beaucoup à apprendre, quoi. Voilà. Merci Florent. Donc peut-être Maxime, si tu veux te présenter toi aussi et ton parcours autour du ciné. Donc Maxime. Alors moi, c'est vrai que c'est pas très original. C'est-à-dire la manière dont on a accroché au cinéma, dont on l'a abordé, puisqu'on a commencé un peu comme tout le monde. Enfin moi, en tout cas, par voir les Disney. Moi, quand même, mes premiers films d'animation, mon premier souvenir de cinéma, c'est Aladdin. Que je suis allé voir au Royal à Saint-Etienne, en famille d'ailleurs. Et ça, c'est mon premier souvenir de film marquant. Et puis après, comme on avait beaucoup de cassettes vidéo à la maison, beaucoup de rattrapage, plutôt du film de production hollywoodienne, Retour vers le futur, Indiana Jones, les Star Wars évidemment. Et tout ça a un peu fondé notre culture cinématographique. Et puis en grandissant, c'est comme tout, on commence à s'intéresser à d'autres types de cinéma, au cinéma français, à des cinémas étrangers. Et puis, je pense qu'après, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment... Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la construction, l'aspect technique, mais comment le cinéma est capable de raconter des histoires différemment qu'au théâtre, que dans la littérature, et comment tout ça se nourrit et s'échange aussi. Et moi, ma dernière découverte... mes derniers films marquants que j'ai découverts à la fois sur Internet et puis aussi à la Cinémathèque, c'est les films de Cimino, Voilà, La Porte du Paradis notamment, qui est vraiment ma dernière claque cinématographique, où on m'avait jamais raconté une histoire de cette façon-là, en fait. Voilà. Donc ouais. Ça, c'est un peu mon dernier souvenir marquant. Cimino, qui est aussi, c'est, peut-être qu'on aura l'occasion de le raconter, mais il a contribué à une grosse vautrade du cinéma hollywoodien et à une fin d'une ère aussi. C'est parti de ces réalisateurs complètement hors normes dans tous les curseurs. Ouais, complètement. Alexandre. Une manière de raconter des histoires complètement à part, quoi. Oui, alors moi, c'est vrai que je pense que c'est un peu pareil. Les premiers souvenirs de cinéma, c'est plus les films grand public américains, et en l'occurrence, oui, les films de Spielberg, de Lucas. Je me souviens beaucoup avoir regardé Le Retour du Jedi, petit, et des scènes en particulier. Je me souviens comment on avait les cassettes vidéo à la maison, on les enregistrait. Je vais bien me repasser une scène en particulier, pas forcément le film en entier. C'était le grand truc des cassettes vidéo, quand même, et des DVD. Et puis après, effectivement, les Disney, et le cinéma aussi français qui passait à l'époque à la télé. Et je me souviens de souvenirs assez vivaces de Jean de Florette ou Manon des Sources, des films de Claude Berry, comme ça, que j'avais vu petit et dont on garde des images assez vives. Et puis après, moi, j'ai plutôt fait des études là-dedans. Donc, c'est vrai qu'avec les études de cinéma, on est amené à découvrir pas mal de cinéastes et de cinéma du monde. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a quand même énormément, énormément de choses intéressantes. Et mon film un peu culte que je pourrais regarder tous les mois presque, ou tous les 6 mois, ce serait Le Quai des Orfèvres de Clouzot. Clouzot qui fait un peu partie de ce cinéma d'après-guerre qui a été aussi très inspiré du cinéma de Hitchcock et du cinéma et des films noirs américains. Et donc Clouzot, Melville, ces gens qui avaient une grosse structure de scénario et après de découpage et de montage m'intéressent énormément aujourd'hui. Et on les oublie un peu, en fait. Voilà. À part Bong Joon-ho qui s'est réclamé de Melville quand il a reçu sa palme d'or, ouais. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Non, ça sera aussi l'occasion de les découvrir. Je connais très très mal ce pan du cinéma, donc j'espère que tu nous les proposeras dans les listes pour les tirages au sort. Personne n'a évoqué Christian Clavier. C'est vrai. Bon, Et donc Raphaël. Donc Raphaël, toi, tu as 8 ans. Donc, tu n'as forcément pas vu autant de films que nous, mais est-ce que tu veux parler un petit peu de toi et ce que tu aimes dans le cinéma? Moi, j'aime bien les films qui font un peu peur. Où il y a de la bagarre. T'aimes bien les films d'action, mais t'aimes bien quand ça fait un petit peu peur quand même. Oui. D'accord, ok. Et pour l'instant, ton film préféré ou ton expérience de cinéma qui t'a le plus marqué pour le moment? Star Wars 9. Ah, Star Wars 9. Eh ben, ça sera intéressant. C'est une transition. Excellente transition, ouais. C'est le moment, je pense, qu'on évoque ce dernier film qui est sorti en décembre. On va s'écouter un tout début de bande-annonce pour se mettre dans le bain, qu'on peut commenter d'ailleurs, qui n'est pas inintéressante. Ça, c'est la bande-annonce. En fait, je crois la dernière bande-annonce qui est sortie. C'est... un instant. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Jusque-là, ça peut être la bande-annonce du dernier Rambo. J'ai attendu. À présent, votre rapprochement. Mais qu'est-ce que tu fais, Tropéo? Je regarde une dernière fois mes amis. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'était pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Quel VF, putain, c'est quand même. J'avais jamais entendu en VF. Ouais, moi, c'est effrayant. Ça a l'air abominable. La... Ça fait des cauchemars aux gamins, non ? Il y a certaines voix qui sont vraiment très bien et il y a quelques personnages. Là, on a entendu Po et Luc. C'est compliqué en VF, quoi. Enfin, surtout que c'est pas compliqué, au niveau le doubleur de Luc. Parce que le doubleur de Luc, c'est pas celui des originaux, bien sûr. Et ben non, il a changé. Non, non. C'était problématique. Donc, première partie où on va en fait chacun notre tour. Alors, évoquer ce qu'on attendait de ce film, ce 9e film. Alors, comme vous l'avez compris, forcément, si on a grandi dans les années 90, Star Wars, les 4, 5, 6, c'était quand même quelque chose. C'était des jalons techniques, des jalons artistiques. Et donc, forcément, même si ça a beaucoup changé et on ne peut plus en attendre la même chose, on a toujours un attachement, sur cet univers et sur ce qui va en être fait. C'est aussi peut-être symptomatique de ce que le cinéma américain devient. Donc, qui veut commencer là entre vous quatre de ce qu'il attendait du film? Allez Florent. Allez Florent. Comment? C'était peut-être toi qui l'attendais le plus. Ouais, je pense que c'est moi. Ben, c'est vrai que en fait, j'avais été très un peu frustré de la prélogie en fait quand j'étais petit par rapport à ce qu'on avait vu avec la trilogie originale. Donc moi, c'était surtout l'idée que j'allais voir finalement des héros que j'aimais beaucoup, voilà, revenir vieux. Et j'aimais beaucoup l'idée. Et je trouvais qu'il y avait certainement des choses assez, assez folles à faire. Donc j'ai énormément attendu l'épisode 7, qui m'avait un peu déçu déjà au premier visionnage et avait continué de me décevoir quand je le revoyais. Parce que, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais, quoi. Voilà. L'épisode 8, j'ai trouvé abominable et c'est partie de ceux que je ne revois pas. Voilà. Donc j'attendais quoi de l'épisode 9? Pas grand chose, mais j'étais vraiment curieux de savoir comment ils allaient retomber sur leurs pieds en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de l'épisode 8, quoi. C'était un peu, voilà, pour moi c'était un peu ça l'enjeu, quoi. Donc bon. Et peut-être en une phrase ou deux, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cet épisode 9? Je pense qu'ils pouvaient pas vraiment faire mieux, quoi. Voilà. Avec leur, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu à bout de souffle, voilà. Ils ont tenté un peu le tout pour le tout et j'étais pas déçu. Je me suis dit, ben ouais, c'est assez évident quoi, tout ce qui se passe. Voilà, pas surpris. Ok, qui veut poursuivre, Raphaël ou Allez Raphaël. Qu'est-ce que t'attendais toi de cet épisode 9? Donc toi, tu as vu tous les autres épisodes avant. Alors qu'est-ce que t'attendais avant d'aller au cinéma? J'attendais qu'ils soient comme les autres, en fait. Tu voulais un peu le même genre d'histoire Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode 9 aujourd'hui? Bah, il était bien. Il était très bien. Alors, c'est le premier film que tu voyais, le premier Star Wars que tu voyais au cinéma aussi. Oui. Ouais. Et ça, c'était, du coup, c'était quelque chose de fort pour toi. Ouais. Ok. Maxime? Moi, j'en attendais pas grand-chose. J'avoue que, de toute façon, dès l'épisode 7, finalement, moi, j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé que c'était quand même plutôt un bon film, après, qui au final ne réinvente rien et qui n'avait pas. En fait, là, il n'y avait pas. Là, évidemment, on avait beaucoup d'attentes, mais donc on allait forcément être déçus par cette nouvelle trilogie. Ça, on s'en doutait un peu. Moi j'étais plutôt content du 7. Le 8, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu plutôt tendance à le défendre parce que je trouvais qu'il y avait des partis pris intéressants. Alors après, plein de maladresses à plein d'endroits dans le film, hein, mais quand même plein d'idées qui n'étaient pas bêtes au final et qui auraient pu être mieux exploitées. Mais avec des choses qui faisaient que le film était. Enfin, moi que j'ai beaucoup de mal à le revoir, j'ai essayé de le revoir. Le regarder à nouveau pour préparer le visionnage du 9 et j'ai pas réussi à le revoir en entier. Et puis le 9, du coup, j'en attendais vraiment rien. Je trouve que les enjeux du film étaient plutôt à l'extérieur du film. C'était plutôt de nouveau le changement de réalisateur, Abrams qui revient à la réalisation, qu'est-ce qu'il allait pouvoir, corriger, comment il allait pouvoir rectifier le tir, accrocher les wagons. Donc en fait, l'enjeu, il était plutôt en dehors du film que dans l'histoire en elle-même. Et puis, ben moi, je me suis presque dit, ça serait pas du Star Wars, ce serait presque un bon divertissement, en fait. Mais c'est la déception d'avoir vu Star Wars devenir n'importe quelle licence, comme Marvel, comme les Avengers. Finalement, voilà, ils ont réussi à le formater jusqu'au bout, en fait. Des films qui avaient un peu de personnalité. C'est un peu ma déception. Mais en soi, le film, je trouve qu'il n'est pas désagréable, en fait, au final. Voilà. Ok. Alexandre, tu veux finir ou tu veux... Comme tu veux. Non, bon, j'ai à peu près dire la même chose. Non, il y a quand même un truc particulier sur ces films, c'est que tu te dis à chaque fois... Ah, ça va être moins bien, j'ai pas forcément envie d'y aller. Puis à chaque fois, tu vois quand même la bande-annonce et tu te dis, je vais quand même y aller. Ça, il y a quand même un truc qui marche de l'enfance, de l'univers, de quelque chose qui, quoi qu'il arrive, fait que tu vas y aller. Et je trouve que celui-là se voyait avec plus de plaisir que, effectivement, on en parlera après. Mais... Ouais. Voilà, c'est peut-être le moins déceptif des trois, finalement. D'accord. Alors, pour ma part, moi, j'ai fait le 8. Pour moi, ça a été plutôt un déclencheur dans le sens où, du coup, je suis sorti plutôt en colère de la salle. Je savais pas trop comment mettre mes émotions dans quel sens, et je l'ai revu il y a pas longtemps. Du coup, le 8 avec Raphaël pour qu'il le voie avant qu'on aille voir le 9. Mais c'était vraiment une grosse souffrance. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités, comme dit Maxime, mais qui il fait rien dans le bon ordre et il propose rien d'intéressant dans la narration et dans les enjeux, dans la construction des enjeux et des personnages. C'est qui est très problématique pour un épisode de milieu de saga. J'ai aussi des problèmes avec les fautes de goût et le non-respect. Certains fois, après, c'est vraiment une question. C'est très personnel. J'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde. Donc j'avais zéro attente sur ce 9. J'y allais en me disant de toute façon c'est mort. Je verrai plus forcément cette trilogie-là ne vaut pas grand-chose. Je m'étais même complètement spolié le film. Donc j'avais regardé tout ce qui passait. Il y avait des scénarios, toutes les fuites de scénarios, tout. J'étais au courant de tout. Ouais, j'ai fait pareil. Ouais. Et ce qui montre quand même le détachement émotionnel qu'on a, parce que quelque chose que je me suis interdit de faire sur le 7 et le 8. Sur une œuvre, j'étais complètement en roue libre là-dessus. Et en fait, j'ai bien fait. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais je pense que j'ai bien fait. Et au final, j'ai passé vraiment un bon moment de cinéma. J'étais vraiment conscient de ne pas voir un grand film. Mais il y a vraiment des moments de grâce, je trouve, dans le film, avec des scènes qui fonctionnent bien. Au milieu, quand même, d'un script, d'un scénario qui est quand même plutôt indigent et qui fait pas les choses dans la finesse, quoi, dans sa façon de faire passer les événements de A à B. C'est presque une catastrophe, quoi. Mais au milieu de cette façon de raconter l'histoire qui est vraiment vraiment misérable, il y a vraiment des moments qui pour moi ont fonctionné, et des émotions qui ont marché aussi, parce que je me suis complètement détaché je pense émotionnellement du truc au début. J'ai un peu de mal à savoir ce que je pense de J.J. Abrams. Toujours, je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui a des compétences et qui a aussi des compétences limitées. C'est pas du tout un gars qui est capable de mener un projet de manière aussi absolue qu'un Spielberg, de vraiment gérer de A à Z son film, dans les enjeux, c'est quelqu'un qui construit les choses de façon assez, ou qui se fait construire. On va parler du scénariste aussi parce que c'est problématique. Il y a aucun de ces films qui est nickel de A à Z. Pourtant, dans chacun de ces films, on se dit il y a quand même un truc, ce mec, quoi. Il sait jouer la nostalgie. C'est quelqu'un qui sait très bien s'emparer de certains éléments. Star Trek, ça s'est vu, quoi. Je pense que c'est là où il est le meilleur. C'est quand il arrive à tirer un petit peu la patte de l'élément nostalgique qui fait que ça va donner du sens dans son film. Pas si je suis clair. Son Mission Impossible est pas si mal, si on le revoit peu détaché. En fait, il ressemble un peu à un épisode d'Alias, quoi. Il fait un peu série télé. Oui, de toute façon, c'est un réalisateur de série télé. Hein. Ça, c'est un peu son gros problème, c'est qu'on a dire c'est un auteur, c'est un fabricant. C'est un faiseur, c'est quelqu'un qui sait très bien faire son métier, mais qui le fait sans âme. Ce qui est dommage, c'est que moi, mon film préféré de Abraham, c'est peut-être Super 8. Oui, j'avais parlé aussi. De Super 8, moi, qui relève quand même un peu le niveau pour moi, même si... Mais en fait, parce qu'il y a quelques scènes, je pense à une poignée de scènes qui sont vraiment exceptionnelles dedans, et c'est pareil, il mène pas son film, enfin, le film tombe complètement à plat au troisième quart, quoi. Et en fait, il a pas de projet global sur le film, quoi. Mais c'est vrai que c'est un bon faiseur, il est capable, sur des scènes, vraiment, d'envoyer du pâté, quoi. On va peut-être évoquer, je sais pas si on commence, parce qu'on a un bilan plutôt positif sur le film, mais avec pas mal de contextualisation, j'ai l'impression. Est-ce que vous voulez qu'on commence par ce qui nous a trouvé? Je pense que c'est peut-être plus sain de faire ça dans l'ordre négatif puis positif. Ce que vous avez trouvé vraiment, vraiment ce qui vous a déplu dans le film. Raphaël, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu dans le film et qui t'ont un peu déçu? Non, toi t'as vraiment bien aimé le film globalement. Donc tu reviendras quand tu parleras des choses. Il t'a payé quoi, il t'a payé quoi, Brahms, pour que tu dis ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas du tout aimé le début et la fin en fait du film. Je trouve que le début, l'enchaînement des séquences là, quand on voit Kylo Ren arriver dans le temple, retrouver l'empereur. En 10 minutes là, il te balance un nombre d'images et d'histoires qui sont pas racontées, qui est hallucinante. Et ça, moi, je me suis dit, oulala, si tout le film est comme ça, ça va être vraiment affreux. Et la fin qui est affreuse pour moi aussi, la résolution, la bataille de fin, l'arrivée de tous les vaisseaux. Tu sens qu'il y a un trou de scénario énorme, quelque chose qu'ils n'ont pas pu tourner ou pas pu monter dedans, parce que le film aurait fait 4 heures. C'est très problématique. Et ce qui est bizarre, ce qui est bizarre dans le début, c'est qu'effectivement ça dure 10 minutes, un quart d'heure où ça n'arrête pas. On a ces sauts hyperspatiaux en plus je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais c'est vrai que ça rend le film encore plus frénétique parce qu'il passe sur des planètes pendant 15 secondes là et puis pouf. Et ce qui est bizarre, c'est que ça raconte pas non plus énormément de choses en fait, cette partie frénétique. Ça introduit les boussoles Sith. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites dans le texte déroulant. Ça, j'étais très étonné. Il parle de le pourquoi ils n'ont pas mis en scène le retour de l'empereur, quoi. Ça c'est quand même très étonnant. Alors, sachant quand même que le message du retour de l'empereur, parce qu'ils disent au début du film que l'empereur a fait un message qui appelle à son retour, le message a été diffusé par Disney dans le jeu Fortnite, quand même. C'est pour vous dire qu'il a été tourné par l'acteur et qu'ils l'ont gardé dans un jeu vidéo, quand même. Ouais, ça m'a fait halluciner quand j'ai appris que dans l'épisode 7, là, il y a 6PO qui a un bras rouge, dont on ne fait absolument rien dans le reste de la trilogie, même dans le film. Et en fait, ça vient d'une bande dessinée qui a été faite et produite par Disney depuis, où on explique que 6PO a été sur une planète, je ne sais plus laquelle, et en fait, il a rencontré un droïde de l'Empire avec lequel il a eu une aventure sur la planète. Il y a eu une pluie acide. Il a été sauvé par le droïde de l'Empire de la pluie acide. Et en souvenir, il a gardé le bras rouge du droïde. Et ça, tu te dis, mais comment tu peux accepter de mettre ça dans ton scénario, sachant que tu n'en fais rien, quoi. C'est suffisamment compliqué de raconter une histoire au cinéma avec des tenants et des aboutissants, des enjeux dramatiques, sans en plus te mettre des choses qui parasitent complètement le récit. Je savais pas qu'il l'avait mis dans Fortnite, le message du retour de l'empereur. C'est incroyable. Surtout que c'est pas a priori, le message est assez médiocre, quoi. C'est pas comme si c'était, parce que le bras rouge, c'est pareil, ça se trouve c'était une excellente histoire à raconter. Moi, j'ai lu la BD, elle fait 8 pages, ça m'a donné cette impression, j'en ai ce souvenir en plus. C'est complètement oubliable, hein. Ça n'a rien d'incroyable, quoi. Ça. Et à la limite, ça fait pas le même truc quand tu vois le Ghost dans Rogue One, et que en fait, quand t'as vu la série Rebels, ça a pas la même impact, parce que t'as suivi 4 saisons de Rebels en suivant le Ghost, tu le vois une fraction de seconde, c'est un clin d'œil qui est super cool, parce que c'est pas superficiel derrière, quoi. Oui, c'est si tu le vois, tant mieux, si tu le vois pas, tant pis. Là, ils insistent sur le bras rouge. Moi, je rejoins Alexandre complètement là-dessus, c'est abominable. L'idée. L'idée est nulle, et du coup le message de Palpatine, c'est du même ordre. C'est abusé, quand même. C'est vrai que ce début, t'as l'impression d'être passé dans une moissonneuse-batteuse pendant à peu près un quart d'heure. C'est un peu une moissonneuse-batteuse pendant 2 heures, le film, de toute façon. Trimballé d'un côté à l'autre, ça n'arrête jamais. Et je pense que c'est peut-être le gros problème de J.J. Abrams comme metteur en scène, c'est de pas faire confiance au cinéma. Dans le sens, au cinéma, tu peux avoir un peu, pas de l'ennui, mais tu peux avoir des plans qui durent, tu peux avoir un plan large, tu peux. Et t'as pas un plan large, t'as pas une séquence dans laquelle on s'installe et dans laquelle on est bien. Alors, si il y a deux avance moments, en permanence. Il y a deux moments, il y a les ruines de l'étoile noire, du coup, où à partir du moment où elle arrive sur la planète, là, ça, le film se pose beau, un petit peu, tu vois. Ouais. Et elle va parcourir ça, les ça, ruines. Ça, c'est peut-être le moment le plus émouvant du film. Pour, c'est moi, pour moi, c'est le meilleur quand moment. Quand ils arrivent du film. Dans la salle du trône, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et même son parcours, quand elle va avec ses vagues immenses, il y a vraiment, je pense, des idées. C'est vraiment quoi. Le plus beau moment du film, ça, ouais, ça c'est clair. Quoi. Ça c'est clair que c'est le moment le plus réussi. Mais après, comme on en était sur les défauts, c'est vrai qu'on ne peut pas. Voilà, c'est quand même très compliqué de rentrer dans l'histoire. Et moi-même, la révélation du premier tiers, là, où on te dit, mais en fait, c'est la petite fille de l'empereur, t'es là. Ouais. Attendez, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, mais bon, comme on était très détaché finalement, enfin moi j'étais très détaché, j'ai eu le jour de la sortie en fait, mais j'y suis allé à 22h en sortant du boulot et j'étais assez, je me suis dit comme ça va me détendre. Donc finalement j'avais pas vraiment d'enjeu. Et là on me dit mais c'est la petite fille de l'empereur, t'es là, tu crois pas une minute, enfin t'es là, non mais attendez, ça n'a vraiment aucun sens. Et la deuxième chose qui m'a fait me dire que vraiment j'étais vraiment passé à côté de beaucoup de choses dans cette trilogie, c'est à la fin. Quand qui est dans cette fin qui est catastrophique d'ailleurs, où il y a Kylo Ren et Rey qui s'embrassent et où les gens à côté de moi dans la salle ont dit ouais, ils ont applaudi en fait, ils sont mis à applaudir et ils ont dit ah enfin, et là je me suis dit ah mais vraiment, moi j'étais passé complètement à côté de cet enjeu, est-ce qu'il y allait avoir une histoire d'amour entre eux, est-ce que j'étais d'accord avec ça ou pas quoi, en fait il y avait une vraie gens... je pense qu'il a voulu réutiliser la tension sexuelle qui s'était instaurée dans le 8 en fait, où ils étaient tu sais, il y avait, or c'était même pas très élégant c'est les scènes où il est torse nu huilé enfin bon et je pense que c'était ça, il voulait bâtir un peu là-dessus quand même, mais c'est vrai que c'est pas gênant. Après moi je trouve cette scène je l'ai oubliée parce qu'il y a d'autres choses autour qui sont plus puissantes, plus fortes, et du coup à la limite on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que c'est problématique quand tu pars avec le 8, que tu dois à faire quelque chose derrière, voilà, parce que là, il se sert d'éléments. C'est comme quelque chose que, et ça rejoint la petite fille de Palpatine, finalement, de l'Empereur, c'est qu'on nous a instauré dans l'épisode 8 qu'un des enjeux de Rey, c'était de savoir si elle était la petite fille de quelqu'un d'important, enfin la fille de quelqu'un d'important. Comme si un personnage allait se dire, oh là là, il faut absolument que je sois quelqu'un dans cette galaxie. C'est complètement stupide en fait. Elle veut savoir qui sont ses parents, elle veut pas savoir si c'était des empereurs, si c'était des princesses. Et là, du coup, la révélation, elle tombe, d'un air de dire, oh, bah voilà, vous inquiétez pas, le personnage principal, c'est forcément le descendant de quelqu'un de très important. Ouais. La fille. Alors qu'en fait, l'empereur, il a eu un enfant, du coup, ça sort de nulle part, on s'est jamais été vu avant, il y a une espèce de jeu qui se joue entre ces deux familles, finalement, ça devient l'histoire de deux familles, les Palpatine et Skywalker. À la limite, si ça avait été un peu construit dans les autres films, mais en fait, là, ils en étaient pas du tout au courant quand ils ont écrit le 8, quoi. Du coup, ils ont pas pu mettre d'indices de choses. Ouais, il faudra qu'on m'explique quand même comment industriellement tu files les clés du camion à un mec, à Rian Johnson en l'occurrence, en ne sachant pas où est-ce qu'il va. Et en ne sachant pas ce qu'il y a dans son scénario et en n'ayant pas le scénario de l'épisode 9. Je trouve ça fou que t'es pas quand même un mec, que t'es pas un chef de chantier dans les producteurs de Star Wars qui disent, bon, on démarre là de l'épisode 7, on va là à l'épisode 9 et on balise le truc. Alors, il l'avait prévu. Il l'avait prévu, c'est Michael Arendt qui avait fait Toy Story 3, qui devait écrire toute la trilogie, en fait, quand Disney a racheté lui. Film. Et quand il a dit que ça lui prendrait un an pour faire tout le plan de la trilogie, ils l'ont viré. Oui, ils avaient 2 ans hein, pour faire le. C'est ce qui est vraiment ridicule pour faire pour faire le dernier film, scénario compris. Et tu vois maintenant qu'on a la trilogie bouclée, on a bien vu comment ils ont écrit les films. Ils ont écrit un par un. Et puis ils ont écrit par rapport aux réactions du public, par rapport aux réactions des critiques. Du coup, il n'y avait pas de plan de base. Ils ont vraiment fait du damage control petit à petit, quoi. Et c'est peut-être là la vraie prouesse de Abrams, c'est d'arriver à retomber sur ses pattes quand même malgré tout à la fin, et où tu te dis, bah, compte tenu de ce qu'il y avait avant, il s'en tire pas trop mal. Ouais, c'est une ruine, hein, c'est vrai que l'histoire, il reste une poignée de rebelles dans un faucon millénium, il y a plus d'enjeux, il y a plus aucun enjeu, tout est Non, et puis le gamin qui attire par la force le balai, c'est affligeant. Quand tu vois certaines images de l'épisode 8, c'est terrible. Parce que t'as l'impression de voir une pub pour Star Tour à Disney World. Si tu veux. D'ailleurs, les 10 premières minutes, c'est quasiment du Star Tour. Les ricochets spatiaux, là. Du 9 dans le 9 Oui. Alors moi, j'ai noté quand même que au niveau du scénario, j'ai noté des bugs. Enfin, de toute façon, c'est clairement une écriture... on sent l'écriture... il faut que les mecs, ils aillent de A à B, puis de B à C, donc il est boussole. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois un peu comment les techniques d'écriture de scénario, tu les vois, mais sans aucun masque dans le film. Mmh. Donc les MacGuffin, les personnages outils, et c'est incroyable. Donc t'as les boussoles sites là qui te permettent de découvrir où est la planète. Donc on te dit, et en anglais ça s'appelle les Wayfinder. Donc ils ont même pas maquillé le. Ouais. Ils ont même pas maquillé. C'est outil scénaristique numéro 1, tu vois. Pour les envoyer. Alors, ce qui est encore problématique, c'est qu'ils auraient pu mettre un peu de. Par exemple, je sais pas si vous le savez, mais la première scène où Kylo Ren récupère la première boussole, c'est sur Mustafar, près du château de Vador. Il y a des arbres qui ont poussé parce qu'il y a un comics qui t'explique que la planète a retrouvé. Je me suis renseigné avant que la planète a retrouvé une stabilité, donc du coup, les arbres commencent à pousser. Ouais. Voilà. Mais ce qui est problématique, c'est que ça aurait pu être c'est complètement logique en fait que Vador ait eu une des deux boussoles, si tu veux. T'aurais pu mettre un truc derrière, tu vois, mais il faut surtout pas rappeler la prélogie chez Disney. Attention, surtout pas. Elle n'existe pas. C'est terrifiant. Bah, le château de Vador, d'ailleurs, ça permet de faire un lien avec un autre truc de l'épisode 9 que j'ai quand même trouvé abominable en matière d'écriture et de facilité, surtout. C'est la guérison. La guérison par la force. Ah oui. Quand t'as quand même toute une trilogie, la prélogie en l'occurrence, qui est basée sur la perte des Jedi, et le fait que ça te fait tomber du côté obscur, et que Dark Vador devient quand même Dark Vador, justement, parce qu'il a pas pu sauver sa femme, et là, tu découvres dans l'épisode 9 qu'il y a dans un livre, il y a marqué qu'on peut transférer son énergie. Une débilité, quand même. En fait, dans Légende, Leia a cette capacité bien plus tard, et quand elle développe ses pouvoirs dans le Nouvel Ordre Jedi. Donc c'est un truc qu'ils ont repris du Nouvel Ordre Jedi, en fait. Mais qu'ils ont pas cherché. Parce que c'est un truc qu'elle est censée faire un petit peu, et quand elle est surpuissante, quoi. Ouais. D'accord. Ah, je savais pas. Après, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, ça m'a pas. Enfin, vu qu'elle est surpuissante de toute façon et que voilà, que c'est la fille de Palpatine, donc c'est le pouvoir opposé, tu vois. à la limite, j'avale, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses dans le film que j'ai moins avalé que ça, et puis j'ai trouvé ça même sympa qu'ils résolvent sans la violence, tu sais, l'histoire de l'espèce de serpent, voilà. Je trouvais que c'était sympa comme moment, quoi. Parce que juste avant, quand même, je vous rappelle qu'ils sont avalés par les sables et ils tombent sur le vaisseau du gars. Enfin, tu vois, tellement pratique ces sables mouvants, quand même. Mais oui. Et puis je vous rappelle que Luke a été bloqué à ce moment de l'énigme, quoi. Il n'a pas su se faire avaler par les sables, quoi. C'est... Dans les trucs. Ah oui, c'est vrai que j'avoue que ça. En fait, Luke est Lando. Vous me parlez de trucs, vraiment, c'est fou parce que j'avais déjà oublié ces histoires-là, quoi. Tellement c'est inintéressant le moment de la. Enfin, le moment quand on le voit, mais toute l'histoire antérieure où Luke aurait cherché ces indices là pour retrouver le temple, moi j'avais complètement zappé. Alors ça, parce qu'il a écrit dans son livre que Rey lit, donc il fait tiens, alors qu'en fait ça aurait dû être raconté s'il voulait vraiment exploiter dans les films précédents, mais là comme ça ils l'ont pas raconté, ils sont obligés de faire un truc du genre c'était écrit là, tu vois. Après donc il découvre la Daxite, donc ça c'est bien parce que c'est les Goonies, hein. J'aurais été gamin, j'aurais adoré cette espèce de truc où en plus ça leur donne la carte, et puis il faut décrypter le machin. À la limite, c'est l'objet le plus maquillé, le plus sympa qui est. Ouais. Même si c'est complètement aberrant après la façon dont elle résout le truc. Mais tu vois, c'est hop, MacGuffin numéro 2. Objet pour vous emmener au point B, du point B au point C numéro 2. Voilà, c'est. C'est vraiment en termes d'écriture, c'est compliqué, quoi. Et le truc des indices dans le livre Jedi aussi, c'était très pratique. Ils cherchent Exegol. Alors pourquoi ils n'ont pas utilisé Corriban ou tu vois. Ils n'ont pas non plus été cherchés très loin. Et qu'il y ait un des artefacts aussi dans le vaisseau de Kylo Ren qui est en train de brûler quand même. Ouais, mais à la limite, ça, tu vois, il y est depuis le début, il le met au début. Tu vois, à la limite, je l'attendais plus, ça m'a pas... Oui, alors c'est pratique, machin, mais je pense que ça fait un parti... C'est pratique. Je sais même pas de quoi vous parlez, là. Les boussoles sites. Tu sais, il y en a une dans le, ah, dans le taille oui, de Kylo Ren. Ah oui, c'est vrai. Non, bah, moi, je suis... Non, mais vraiment, là, c'est... J'avais complètement oublié ces trucs. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Dans les grosses incohérences, j'ai vu au début du film, quand Kylo... Alors j'aime bien, moi, l'espèce de plan parallèle, je vais en reparler dans les trucs positifs, mais... Quand Kylo rencontre l'empereur, l'empereur lui demande de retrouver Rey et de la tuer. Oui. Ce qui est incohérent avec son plan en fait qu'il dévoile à la fin où il. Oui. Ouais, ça c'est un peu. C'est ouais. Et bon, c'est sur la trilogie, mais j'ai trouvé il y a pas mal de personnages qui sont introduits dès le 7 qui servent à rien ou qui sont pires que ça. Je pense à Maskanata qui est. Oh là là. Enfin, il y en a d'autres. Hein, tu t'en as une dizaine. Hein, t'as Rose, DJ, l'espèce de le Benicio del Toro du 8, là. Captain Phasma, oui. Même Snoke, tu vois, qui est en fait balancé par-dessus bord à un moment ou un autre. Le général Hux, je sais pas si on en parle. Ah, c'est un peu insultant, va éviter. Ah oui. C'est vrai qu'on avait oublié, hein. C'est fou, hein, quand même. Quand même. En fait, je pense que c'est le gros problème du cinéma, mais c'est un peu un mal du siècle aussi, du cinéma contemporain, c'est de vouloir absolument tout expliquer. C'est qu'un scénario, ouais. C'est pas forcément une... C'est pas une intrigue forcément. C'est-à-dire qu'il y a des grands films qui reposent sur finalement pas grand-chose en termes de tenant et d'aboutissant. Et c'est plus ce qui est intéressant, c'est la dynamique entre les personnages. Si on parlait du Quai des Orfèvres là plus tôt, Quai des Orfèvres, l'intrigue, elle tient pas la route. Le Faucon Maltais de Hawks, ça tient pas de Hawks, oui. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, ça tient pas la route non plus. Mais finalement, c'est pas grave parce que ce qui est intéressant, c'est comment les personnages interagissent entre eux. Et c'était tout le truc d'Hitchcock, c'était des MacGuffins, c'est-à-dire que finalement, Psychose, on s'en fout un peu que la fille ait volé l'argent. Là, on veut absolument te matraquer dans la tête une intrigue à laquelle personne finalement ne comprend rien et que tout le monde a oublié 15 jours plus tard. Et finalement, il ne t'en reste rien. Parce que justement, Abrams ne fait pas confiance au cinéma et que le cinéma, c'est pas ça. C'est lui qui l'aurait pas raconté qu'il y avait des boussoles et des machins, mais qu'on s'en foutait et qu'il le trouvait. Bah moi, je pense que ça aurait été tellement plus intéressant. Ouais, c'est sûr. Parce que là, on donne de l'importance à des détails dont on s'en fout, en fait. On se fiche de ça. Ce qui nous intéresse dans l'Empire contre-attaque, dans le Retour du Jedi et dans le premier, dans Regard des Étoiles, c'est plus des trajectoires de personnages. Ouais, c'est les relations humaines. En fait. C'est des relations humaines. Ouais. Et c'est là-dessus que le cinéma est fort. C'est là-dessus aussi que la littérature et le théâtre peuvent être forts. Mais c'est pas absolument en te résolvant en fait un nœud d'intrigue inextricable. Je suis assez d'accord. C'est ça le problématique. Je pensais à des gens qui disaient c'est nul, on n'explique même pas les parents de... Tu vois, si c'est son grand-père, il a forcément un fils, et donc qu'on évoque à peine dans le film. Mais c'est pas très problématique dans le film. Et puis, tous les sites aussi, on voit beaucoup de monde dans les tribunes, ça évoque beaucoup de choses. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette planète? En fait, juste visuellement, c'est suffisamment évocateur pour. C'est suffisant, mais Oui, et ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que du coup, j'ai pas envie, forcément. Enfin, je me fais des films dans ma tête, j'extrapole, etc. Ouais. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça que la première trilogie marchait si bien, c'est parce que, faute de moyens, le cinéma est aussi basé sur le hors-champ, en fait. Enfin, le hors-champ est aussi important que ce qu'on voit, et c'était en ça que la première trilogie était super, c'est parce qu'on te racontait des choses que tu ne voyais pas, donc tu te les imaginais, et donc ça te développait déjà, ça te rendait curieux, et ça te donnait envie de voir cette suite, et rien que de l'avoir dans sa tête, c'était suffisant, et derrière, on te racontait une histoire assez simple, une relation de... un fils qui ne sait pas qui est son père, une histoire d'amour, et en fait, il n'y avait pas besoin de plus que ça, en fait, c'est juste que c'était bien raconté. Et en fait, là, en voulant tout expliquer, tout te montrer, on te casse déjà, on te brise l'imaginaire, mais en fait, c'est impossible de le faire en un film. Ça marche dans les séries où tu as 4, 5, 6 saisons pour développer. Oui. Mais encore, il faudra qu'on me prouve que les séries resteront dans le temps, dans l'imaginaire collectif. Ça dilue beaucoup, les séries. Pense... Ah ouais. Quand même, le cinéma, il y a peu de choses qui te transportent autant que Cimino. Quand tu parlais de Cimino tout à l'heure, il y a vraiment une série qui est de ce niveau-là. Mad Men, des séries comme Mad Men, il y a quelques séries comme ça où on te dit, Donc tu arrives comme ça à monter dans des niveaux de complexité, de relations, de personnages. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein, où on me dit, regarde cette série, elle est géniale. Et au bout de 10 épisodes, est-ce que j'ai vraiment vu un truc plus fort que certains films qui durent 2 heures ou... enfin, j'ai vu le dernier Scorsese quand même, c'est autre chose que, au hasard, Mr. Robot qu'on m'a fait voir avant, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, ça serait intéressant qu'on parle du dernier Scorsese aussi, parce que c'est vrai que... je l'ai pas vu, donc... Ouais, je l'ai pas vu non plus. Ok, j'ajoute. Bref, voilà. Mais c'est un peu le péché... Pour en revenir à ça, c'est un peu le péché originel de Lucas, parce qu'après, on s'est dit, oui, quand même, les 1, 2, 3 sont mieux. T'essaies de les regarder, c'est quand même compliqué, les 1, 2, 3. Mais il y a d'autres qualités. Le problème, hein. C'est là... Il y a d'autres défauts, d'autres qualités. Il a voulu un peu... Ouais. Il avait un truc à raconter, au moins. Il avait envie de raconter quelque chose d'autre, pas de dire oh là là, regardez Star Wars comme c'est formidable. Hein. Ils ont des gros défauts. Mais le truc ce que je voulais dire, c'est qu'ils veulent t'expliquer d'où vient Dark Vador. Et en fait, quand tu débarques dans l'épisode 4, ne pas savoir d'où vient ce mec, c'est pas très grave en fait. Ouais, il est suffisamment impressionnant, il est charismatique. Et après, qu'on veuille te raconter que c'est en fait un gamin qui est absolument au demeurant insipide et qui devient ça, tu. Après, au final, les 1, 2, 3, ce qu'on a aimé, c'est pas forcément l'origine de Vador, mais c'est qu'on est dans un autre contexte dans Star Wars. Parce que, en fait, on est dans la République, il y a d'autres choses. Allô. Alors que, alors qu'en fait, dans les 7, 8, 9, c'est le même contexte qu'avant, c'est l'Empire contre la Rébellion. Je vous entends plus, moi. Ah, on a perdu Maxime. Ah, on a perdu Maxime. Mais nous, on t'entend, Maxime. Ah oui, là, je suis revenu. Ah, d'accord. J'avais regardé la trilogie originale, en fait, pendant le temps. Voilà. Skype a lâché. Merci Skype. Il y a un autre truc que j'achète pas du tout dans les trucs négatifs, c'est l'espèce de... Enfin, ça, c'est encore dans les conneries de scénariste, c'est la flotte secrète de la mort qui est cachée... sous la planète, il y a 300 canons de la mort qui peuvent péter les planètes, et avec des équipages, tu vois, et tout est... Tout le monde est waterproof. Mais pour moi, c'est la même théorie que Star Killer. Les mecs, ils vont chier dans les postes de commande, hein, pendant 20 ans sous la Terre à attendre de sortir, ça doit être long quand même pour eux. Non, puis en plus, c'est inintéressant, parce que derrière, dans la bataille spatiale n'est pas terrible, alors elle est surtout concentrée sur le croiseur principal, où là, bon, il y a une petite bataille sympathique, mais après, le fait qu'il y ait 500 000 vaisseaux, c'est pas aussi fort que dans Retour du Jedi, où là, t'étais au milieu des... Enfin, c'était bien mis en scène. Là, on s'en fout complet de A à Z, en fait, qui est cette flotte de la mort. Ouais. Et c'est la même connerie que Star Killer. Ils t'ont pété dans le 8 parce que dans chaque film, t'as encore un vaisseau plus gros. Enfin, je veux dire, donc du coup, ça te surprend plus. Quoi, plus nombreux, plus gros, et il n'y a pas plus d'enjeux, en fait. Mais on parle des chevaux qui galopent sur les vaisseaux spatiaux. Quoi. Ouais, mais ça, c'est une connerie d'Abraham. Mais ça encore, on n'avait jamais vu, par contre. Oui. Mmh. Puis c'était sympa, cette petite bataille localisée sur le croiseur, mais je trouvais ça marrant. C'est une petite prise de position. C'était pas fou, hein. J'espérais qu'ils avaient tué Rose au passage, mais ils ne l'ont pas fait, mais bon, c'est pas... Ils l'ont bien esquivé, quand même. Ouais. Elle sentir mieux que dans l'épisode 8. Bah oui, c'est sûr, on la voit pas. Bah, on la voit plus, on la voit un peu. Ouais. On la voit pas beaucoup. Non, alors... Ah, je vous ai encore perdu, les gars. Allô. Ça capte pas, Toulouse. On t'entend, Maxime. Eh ouais. Il y a de la choucroute. Ah ouais, moi, je me capte pas. Et est-ce qu'on peut parler aussi d'un vrai problème, quand même, c'est qu'on te dit de l'épisode 7, on amène un acteur noir, on amène de la diversité, on amène, voilà. Et qu'on te fait croire, donc pendant à peu près tout l'épisode 7, qu'il va y avoir une romance entre John Boyega et Daisy Ridley, où tu te dis, bah, ça pourrait avoir de la gueule, parce que je trouve que les deux sont quand même pas assez bons. Et l'épisode 9 retombe sur ses pattes dans un espèce de puritanisme dégueulasse où les blancs finissent avec les blancs et les noirs finissent avec les noirs. Ah, t'as baisé les yeux, quand même. Mais je veux dire, c'est un aveu un peu de faiblesse par rapport aux critiques qu'ont pu recevoir surtout le premier épisode. Et c'est quand même... assez révoltant qu'en 2019, on en soit encore à ne pas oser aller jusqu'au bout de ses idées de ce point de vue-là. Je suis d'accord. Oui, d'autant que l'actrice qui a joué Rose s'est fait harceler en ligne violemment. Et en fait, ils lui répondent, ils répondent positivement à ces harceleurs, en fait, en lui donnant genre 3 minutes d'image sur le film. En fait, c'est eux qui font la loi aujourd'hui, quoi. Ah oui. C'est qui font la loi. Ouais. Tu sens qu'il y a... Le baiser lesbien, d'ailleurs, il est bien isolé. En termes de montage, c'est pas trop compliqué de le censurer, quoi. Donc, tu vois, tu sens le truc qui est... Oui, puis bon, je veux dire, l'important n'est pas là non plus. C'est que c'est pas vraiment une... Enfin, c'est politique et c'est marketing, mais c'est pas vraiment une histoire lesbienne dans Star Wars. Enfin, on en est loin. Il y a un impact, quoi. Alors pour le coup, c'est un peu du clientélisme aussi. On va peut-être passer sur les points positifs. Parce qu'il y en a, on l'a bien dénoté le film. Moi, j'ai quand même, il y a pas mal de choses que j'ai aimées dans le film. Je trouve que l'émotion, globalement, les acteurs, je les trouve tous plutôt bien investis. Même Harrison Ford sur la petite scène qu'il a. Moi, l'émotion et surtout toute cette scène en fait sur les ruines d'étoiles noires, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Ça, c'est le meilleur moment du film, je trouve. Ouais. La scène à 2 millions. Ouais. Et puis même le changement de Ben. Bon, c'est pas tout fou, mais vraiment au niveau émotion, moi, ça a beaucoup marché sur moi. Ça a bien marché. Les acteurs sont vraiment pas mal. Hein. Je trouvais qu'ils jouaient globalement. Ça joue beaucoup mieux que dans l'épisode 8 aussi. Ouais. Tu sens que la direction d'acteur est quand même beaucoup plus précise et beaucoup plus inspirée que celui d'avant. J'ai trouvé qu'il y avait aussi le côté film d'aventure, même si la chasse au trésor. Et un peu n'importe quoi. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc de film d'aventure avec une ambiance positive, une ambiance de buddy movie où ils sont contents d'être ensemble, ils cherchent des choses, ils ont des péripéties et vraiment c'était agréable vraiment. J'avais l'humour aussi. Moi j'étais assez ému par la mort de Leia aussi. Ouais. Moi on en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est. Ils s'en tirent bien, et bon, même si tu vois un peu la technique derrière tout ça, tu vois un peu qu'ils l'ont un peu rafistolé, mais que la mort te fait quelque chose. Et on en parlait avec Florent la dernière fois, mais c'est vrai que quand Chewbacca pousse son cri au moment où on lui annonce la mort de Leia, ton petit cœur se serre quand même. Ouais, ça fait quelque chose. Ouais, ils l'ont traité humainement, je trouve aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup, parce que c'est vrai que Leia, c'est vraiment mon personnage préféré. Enfin, j'aime beaucoup l'actrice, tout ça, et j'avais très peur de. Surtout après l'épisode 8, où il la faisait quand même voler sans aucun scrupule dans l'espace, dans une scène dégueulasse. J'avais très peur de ce qu'ils allaient faire, en fait. Et je trouvais que c'était sobre, et ça m'a fait plaisir, parce que au moins, voilà, c'était. Leia qui est devenue maître Jedi, mais on n'insiste pas trop dessus. Enfin, voilà, c'était pas avec du chichi, quoi. Et ça m'a fait du bien de l'avoir comme ça à ce moment-là. Ouais, tu sens qu'ils n'ont pas beaucoup de matériaux, mais c'est plutôt bien utilisé ce qu'ils avaient, je trouve. Ouais, c'est humble et c'est respectueux d'elle. Il y a un vrai ressort dramatique à ce moment-là quand elle rentre en contact avec lui par la pensée, etc. C'est beau, quoi. En fait, c'est simple parce qu'il se passe rien. C'est le seul moment du film où il se passe rien. Il y a du silence. Tu prends un peu le temps. Tu prends un peu le temps et en fait, ça fonctionne. Quand on te laisse le temps de ressentir quelque chose, oui, tu arrives à ressentir quelque chose. Et c'est pas de l'ennui, c'est juste de l'émotion, quoi. Et ça, c'est vrai que ce moment-là, pour moi, il rattrape un peu tout le film, en fait. Je trouve que cette séquence sur la planète, dans l'étoile noire, dans l'étoile de la mort, et le combat. Les combats sont très beaux, quand même, globalement. Les au sabre sont quand même encore une fois très bien réussis, et celui-là il est vraiment il est magnifique quand il apparaît à travers l'eau, tu sais, les vagues qui lui arrivent dessus, il sort des vagues, il est le dessus mais qui veut pas l'abattre, enfin ça se sent doré dans la mise en scène, quoi. Non seulement ça te rattrape le film, mais je pense que ça te rattrape la trilogie, et c'est ce que disait un ami à nous, c'est ça te fait regretter ce que la trilogie aurait pu être si elle avait été de ce niveau-là tout le temps. C'est-à-dire qu'on t'emmène vraiment ailleurs, en fait. Qu'on t'emmène dans une complexité de personnages et dans un temps différent. Et ça te fait un peu regretter. Parce que c'est ça qui est important. C'est les personnages, c'est ce qu'ils ont, c'est leur tourment, c'est comment ils vont évoluer. Et c'est vrai que cet épisode, il y a quelques scènes où il y a une progression dans les personnages. Et à ces moments-là, c'est assez fort. Ils ont eu du bol de la réussir, surtout cette séquence avec Leia, parce que tout ce qui touche à Luke est raté, je trouve, dans cet épisode. Luke est raté dans toute la trilogie. Mais là, attends, cette coiffure qu'ils ont. Tu te dis, mais ils ont quand même aucune dignité, les gars. Funaise, le brushing qui s'envole avec le vent, le sourire Colgate quand il sort le vaisseau. Parce qu'en fait, c'est ça l'accomplissement de Luke Skywalker dans l'épisode 9, c'est de faire ce qu'il a pas su faire dans l'épisode 5. Enfin, quand même, sérieux, les gars. Ouais, c'est pourtant, Mark Hamill est vraiment à fond, c'était pas le souci, quoi. C'est vraiment de l'écriture. Ouais. Le pauvre. Ouais. Le pauvre. J'ai trouvé que l'humour fonctionnait pas mal. Je pensais à toute la phase où C-3PO perd la mémoire. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas autant rigolé des blagues de C-3PO. J'ai trouvé vraiment bien. Et le personnage de Babou Frick, enfin, tous les espèces de persos extraterrestres qu'ils ont ajoutés, je trouvais ça assez chouette. Non ouais. Ça, j'ai mis dans les positifs. Ouais, il y a un vrai truc, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça, et Star Wars est vraiment l'exemple type, c'est le seul art qui te permet de voir des comédiens vieillir, en fait, et qui te permet de voir le travail du temps sur le visage d'un homme, d'une femme. Au théâtre, on ne pourra jamais la voir, en littérature non plus, évidemment, en peinture non plus. C'est vraiment spécifique au cinéma de pouvoir mettre en scène le temps et le travail du temps. Et tu n'as pas beaucoup d'exemples comme ça qui peuvent te le permettre. Bon, maintenant, avec les reboots, on le voit un peu plus. Mais c'est une qualité propre au cinéma, quand même. Oui, c'est très dans l'air du temps, maintenant, avec les acteurs digitaux, de rajeunir, de vieillir, oui, etc. Là, on est dans une décennie qui est assez passionnante là-dessus. Ça a toujours bien fait. Moi, j'ai bien aimé quand même la scène où tu as Luke et Leia jeunes qui se battent. C'est assez... je pense que l'effet spécial vieillira mal. Mais c'est purement fan, mais ça dure 2 secondes, c'est chouette. Ouais. Bah alors, pour l'anecdote d'ailleurs, c'est Mark Hamill qui joue son propre rôle. Ils l'ont rajeuni comme ils ont fait dans le dernier Scorsese avec De Niro. Ils l'ont rajeuni et c'est la fille de Carrie Fisher qui joue son rôle dans cette séquence. Ah, oui. Où ils lui ont mis le visage de Leia après. Ouais, ça c'était sympa. Ça. C'était, mais c'est bon, c'est, ouais, c'est du bonbon pour les. Ouais. C'est ça. Pour ceux qui sont là depuis le début, tu vois. Ceux qui suivent au fond. Qui sont pas partis. Qui sont pas. Bah ouais, ils sont pas partis. Moi, qu'est-ce que j'avais mis ? J'aime bien. Après, je vais partir dans mes théories machin, mais j'aime bien la musique de John Williams sur celui-là. Il y a quelques thèmes. Le l'Anthem of Evil, Rise of Skywalker, et j'ai noté 4-5 morceaux, We Go Together, enfin, qui sont des nouveaux thèmes ou des recompositions voilà. Et vraiment, j'ai trouvé que sa musique était super, quoi. Puis peut-être sa dernière, hein, donc ça c'est. Je suis pas trop d'accord. Moi, j'ai trouvé que John Williams, il était vraiment là en mode pilotage automatique toute la trilogie, à part nous ressortir les thèmes connus, quoi. Mais enfin, vraiment, on n'est pas au niveau de l'épisode 8 qui n'avait absolument rien en matière musique. L'abomination, le thème de Rose qui était soi-disant le thème d'amour de cette trilogie, qui est 3 notes qui se courent après. Enfin, c'était une catastrophe. Non, mais le vrai thème de la trilogie, c'est le thème de Rey. Parce que le thème de. Oui, c'est pas un thème de Star Wars, c'est un thème d'Harry Potter, le thème de Rey. Quand il pense, tu vois, cette espèce de légèreté, ça fait pas Star Wars, tu vois. Je trouve qu'on avait vraiment perdu ça, moi. Ah, je trouve ça bien dans son côté. J'explore les ruines, je l'aime bien ce thème quand même. Je l'aime bien aussi, je le trouve chouette, mais je trouve qu'il est pas très Star Wars comme comparé à d'autres, notamment la prélogie qui avait des très belles musiques pour le coup. Il est pas au niveau de la prélogie, hein. On est tous d'accord. Il est pas du tout au niveau de la prélogie, vraiment. Puis elle est très sous-mixée, on l'entend pas spécialement dans celui-là, je sais pas. Elle est pas très bien utilisée. Elle est un peu insipide, ouais. À réécouter, alors ça m'a fait le même effet que Rogue One, où j'avais vraiment eu du mal avec la bande originale sur le mix du film, et pourtant c'est aujourd'hui une des BO où je réécoute le plus de Star Wars à côté, en fait, en disque. Mmh. Ah, elle est bien, celle de Rogue One. Ouais, surtout... Un bon film sur Rogue One. On en parlera plus tard, peut-être, quand on classera les Star Wars, mais c'est peut-être... Ouais. Moi j'ai noté qu'il y avait enfin au troisième film une vraie adversité. Elle est complètement parachutée parce qu'il n'y en avait pas, donc c'est les Sith, c'est la forteresse Sith sur Exegol quand même, qui est des trucs massifs, très mystérieux. En plus, je trouve la mise en scène quand ils arrivent là avec les plans miroirs avec celui de Rey et celui de Kylo Ren, il y a un truc, une espèce d'iconographie qu'ils essaient de mettre en place. On n'en voit pas assez, on voit des grandes statues, on voit des expériences, on voit des choses. Alors on n'en voit pas assez. Du coup, ça reste mystérieux, c'est chouette, mais il y avait des trucs de mise en scène à faire là-dedans, quoi, je trouve. Enfin, il te montre quand même Snoke dans un tube à essai pour te montrer qu'en fait c'était lui, en fait. Alors ça, c'est pareil. C'est ce genre de truc. Mais attendez, mais franchement, vous nous prenez vraiment pour des billes, quoi. Ah ouais, mais tu peux rien faire d'autre après le. C'est la seule solution qui s'est faite. C'est ça. Non, mais quitte à ce qu'il n'explique rien, ce personnage, autant tu le réutilises pas, au pire. Enfin, franchement, pour moi, il avait qu'à disparaître. Comme d'autres dans le film, on s'en est pas offusqué, en fait. Sauf qu'il était trop puissant pour le laisser tranquille comme ça. C'était un peu. Puis il a eu un vrai impact sur l'histoire, pour le coup, parce que c'est quand même lui qui a. C'était le méchant pendant 2 films. Bon, c'est quand même dommage à rien en faire, quoi. Bon, ils en ont rien fait. Hein, mais... Il fera peut-être bébé Snoke dans Une autre série. Non, mais après, bon, le film a des qualités. Voilà, je pense que les qualités, on les a à peu près citées. C'est-à-dire, déjà, la maîtrise technique, il y a quand même de très belles images. Globalement, c'est très bien fait. Et puis, quelques moments d'émotion et d'humanité qui te sauvent un peu le film du tout montagne russe, quoi, en fait, de l'attraction. Mais c'est vrai que c'est bien maigre sur. Ça reste mec sur 2h30 de film, quoi. Je sais plus, c'est dur 2h30. Ça reste assez. Voilà, et puis beaucoup de regrets au final. Il y a des beaux moments de mise en scène quand ils utilisent justement le force swap, là, quand il y a les objets qui passent d'un à l'autre. Ouais. C'est quand ils sont dans le vaisseau et ils sont. Et il y a vraiment des choses visuellement que j'ai trouvé chouettes, quoi. Vraiment, c'est pas mal. Comment t'appelles ça, le force quoi? Personne n'a donné le nom encore, donc je vais trademarker le force swap. Tu vas le breveter. Quand il passe ses objets. C'est encore une BD que j'ai pas lu. Non, ils l'ont pas. Alors, Alexandre, faut revoir le 8. Non, je déconne. Oui, si, non. Mais ça, je m'en souviens du 8, mais je me suis dit, ils nous l'avaient présenté ailleurs. Je savais pas. Non, ça, c'est. Ça c'est pas mal, effectivement. C'est assez beau. Bah, ouais, ça permet de faire des trucs de petites idées de mise en scène sympa, quoi. Un moment que je trouve beau aussi, mais où je trouve qu'il ne marche pas dans le contexte, mais qui est quand même bien fait, c'est la toute fin où elle retourne dans la maison de la ferme de Luc. Moi ça m'a fait quelque chose dans l'imagerie, parce que voir ce lieu noyé de sable est bien, puis toutes les trilogies sont passées par ce lieu, donc ça fait un beau lien. Mais en fait je comprends pas pourquoi elle y retourne, par contre. Je veux dire, ça a pas de sens qu'elle y retourne, et elle a aucun, enfin c'est vraiment du fan service pour le coup, et c'est dommage parce que l'image est très belle. Bah, c'est un peu là qu'il a grandi quand même, Luc. Mais elle. Ouais, mais Alderaan, c'est un peu compliqué d'aller enterrer les statues. Je parlais de Rey. Alors Leia, elle a rien. Enfin voilà, elle a rien à faire là. Mais tu vois, je trouve que ça. Bah, Rey, elle a aucun intérêt à y aller finalement. Ouais. Bah, si ce n'est faire un dernier hommage à Luc et Leia en fait. Oui, sûrement. Bon voilà, mais j'ai pas. Skywalker. C'est très beau, Skywalker. Ouais, finir sur Skywalker. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que, par contre, c'est ce que tu dis, Florence, sur la quête de l'identité, sur le fait qu'on ne justifie sa présence qu'en se rattachant à des gens importants. Je trouve que c'est vraiment. En plus, c'est vrai que c'est très contradictoire avec ce que Disney essaye de développer, parce qu'ils essaient de te dire crois en toi, tu as les ressources en toi pour t'en sortir, chacun a de la force en soi, puis en fait, c'est un personnage qui ne trouve sa place qu'en se disant soit je suis l'aptitude de Palpatine, soit je suis la fille spirituelle de Luke et la famille Skywalker. Et je trouve que c'est vrai que c'est là où finalement cette trilogie a échoué dès le départ. C'est qu'en ne fonctionnant que sur la nostalgie et en ne justifiant leurs enjeux que sur ce qu'avaient fait les gens avant eux, bah en fait, t'as plus d'intérêt pour ces personnages, en fait, et pour ce qui se passe. Et c'est ça qu'ils ont un peu raté, à mon sens. C'est qu'il y a tellement d'histoires à développer dans l'univers de Star Wars que finalement... Après, c'est peut-être une trilogie qui est très dans son temps, parce que tu t'en parles effectivement. Qu'est-ce qu'ils font les personnages? Déjà, ce film, en fait, il est hanté par les morts. T'as que t'as les fantômes, t'as Obi-Wan, t'as machin, t'as l'empereur qui est pas mort, enfin qui revient de l'au-delà. Et en fait, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle doit faire? En fait, elle doit juste réparer les erreurs des générations précédentes. En fait, ça c'est complètement dans l'air du temps. Donc en fait, on peut, s'ils prennent ce thème et à se dire on va faire une trilogie qui parle de l'héritage, qui parle de qu'est-ce qu'on fait quand nos aînés ont fait tout ça et qu'on passe derrière et que c'est compliqué et que c'est lourd. Mais si tu regardes bien, en fait, effectivement, ce thème, il est partout. C'est tout ruine sur Jakku. Tu avais les espèces de croiseurs explosés. T'as la Death Star 2, t'as Acto qui est qu'un champ de ruines. En fait, on est sur des vieux personnages croulants et qui sont plus ce qu'ils étaient. En fait, il y a quand même un espèce de schéma sur cette trilogie, et on voit peut-être, je pense, Abrams, hein, mais qui a fait deux films sur trois quand même, a sans doute voulu parler de ça et de parler de qui on est. On a cet héritage, on vient de cette famille et de ces, on a cette histoire derrière nous, mais qui sommes-nous réellement? Et en fait, donc moi, la conclusion, je l'ai trouvée plutôt bonne par rapport à ça, où t'avais Rey finalement qui dit ok, je suis la petite fille de l'empereur Palpatine, mais qu'est-ce que donc j'ai une histoire, j'ai des choses peut-être sur mes épaules, qu'est-ce que j'accepte d'embrasser comme dessiné, quelle est réellement mon identité, et le fait qu'on choisisse son identité plutôt qu'on doive le subir. Ça, c'est un peu le truc C'est pas, pas... Sauf que si, tu y réfléchis, c'était aussi le thème de la trilogie originale. Parce que finalement, tu avais des personnages qui... Il y avait une histoire avant eux. C'était les enfants, en plus, de personnes importantes qui devaient réparer les erreurs de leurs anciens. Ouais, c'est vrai. Et finalement, Luke ne fait que racheter ce qu'a fait Vador. Leia, elle poursuit le travail de sa mère biologique, finalement, en voulant restaurer la République. C'était déjà ça. Adoptif, quand même. Et son père adoptif, en plus, bien sympathique, roi d'Alderaan. Donc c'est vrai que tu dis, c'est quand même fou de s'être perdu dans ces thématiques-là en partant du principe qu'on allait faire ça, alors qu'il y avait bien plus intéressant à raconter. Et ils l'ont raconté, parce que finalement, il y a des romans qui sont sortis, sur, notamment celui qui s'appelle Lien du sang, là, qui se passe sur la Nouvelle République, que moi j'ai lu et qui est passionnant, qui raconte comment ils ont construit la République, les deux factions de la République qui s'engueulent. Enfin, c'est passionnant, quoi. Mais ben non, fallait faire autre chose. Fallait absolument que les anciens personnages soient les anciens personnages. Et voilà, quoi. Ça donne ça. On a une heure d'enregistrement. Je vous propose déjà, en termes de bilan, je pense qu'on est on est assez d'accord. Enfin, pour moi, c'est une trilogie qui est indispensable. Surtout que tu peux t'arrêter au 6. Ça fait une sorte de rappel, c'est est-ce que t'en veux un peu plus, on peut faire revenir l'empereur éventuellement, tu verras, c'est sympa. Ouais, tu peux regarder 7, 8, 9, mais tu peux t'arrêter aussi, ça pas vraiment pas une trilogie que je regarderai spécifiquement régulièrement. Et un 9 pour moi qui est quand même au-dessus des deux autres, parce que en fait il essaie de raconter des choses, alors c'est n'importe quoi en termes. Vous savez que c'est le même scénariste que Batman v Superman et Man of Steel. Ah oui, mais c'est pour ça alors. Ah d'accord. Ok. On va. Vous allez me donner votre classement des épisodes. Je sais pas qui veut commencer. Ben. Allez, moi je me lance. Alors du coup, j'ai pas intégré les Star Wars Story. Hein. On va faire que les 9 dans ce cas-là. Que les 9. Okay. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé. J'ai fait un avec et un sans. Alors, je l'ai moi mis, je alors. L'ai mis aussi, donc vas-y. Bon, je l'ai mis alors. Ouais. Alors j'ai mis l'Empire contre-attaque en premier, Un nouvel espoir en deux, Rogue One en trois, Le retour du Jedi en quatre, La menace fantôme en cinq, Le réveil de la force en six, l'épisode 3. L'épisode 3 en G-Site, voilà, merci, en 7, l'ascension des Skywalker en 8, j'ai mis Solo en 9, les derniers Jedi en 10 et l'épisode 2 en 11. Attends, dernier Jedi en 10 dernier Jedi, c'était quoi? Le 8, c'est le 8. Ah oui, d'accord. Raphaël, est-ce que tu veux me donner ton classement? Oui. Alors, Raphaël, je t'écoute. Ton préféré? Le 3. D'accord. Après, le 9. Ouais. Après, Rogue One. Ouais. En 4, il y a Un nouvel espoir. Ouais. En 5, le 1. La menace fantôme. Oui. En 6, il te reste l'attaque des clones, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, le 7 et le 8. Le 7. Ouais. Après, l'Empire contre-attaque. Ouais. Le retour du Jedi. Ouais. Il te reste le 2 et le 8. Le 2 et le 8. D'accord. Donc le 8, en fait, place, hein, le dernier. T'as pas vu Solo, toi. On arrive à Flo. Oui. Alors, pour les avoir tous regardés, en plus, là, récemment, ça va être pratique. Donc, c'est quand tout le début, c'est comme Max. C'est l'Empire contre-attaque en premier, Un nouvel espoir en 2, Rogue One en 3. En 4, Retour du Jedi. En 5, j'ai mis La Revanche des Sith, par contre. En 6, La menace fantôme. Le 7, ce sera l'ascension des Skywalker. Le 8, ce sera le réveil de la force. En 9, c'est l'attaque des clones. Ensuite, c'est Solo. Et pour terminer, c'est les derniers Jedi. D'accord. Alex? Bah, moi, c'est un peu pareil que ça, peut-être en faisant remonter Solo devant La Revanche des Sith. Bah, Empire contre-attaque, Nouvel Espoir, Rogue One, ça c'est quand même. Retour du Jedi. Mmh. Menace fantôme aussi, je suis assez d'accord derrière. Réveil de la Force, Attaque des clones. Peut-être Solo d'abord, La Revanche des Sith et le dernier Jedi, je dirais. Est-ce Alors, que je les ai tous? Il me manque du coup manque le 9. Et le 9, ah j'ai oublié le 9. Bah, le 9, on peut le caler. Allez, Réveil de la Force et avant le Réveil de la Force, d'accord. Après la Menace Fantôme. Donc, je dirais Menace Fantôme, le 9. Ouais. D'accord. Bah oui, parce que c'est le meilleur des trois quand même. Oui. C'est mieux que le Réveil de la Force pour moi, le dernier. Ah ouais. Ah oui, ah moi ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Donc moi je vais mettre l'Empire contre-attaque, mais je pense que ça va être voilà. Ensuite un Nouvel Espoir. Alors ensuite je préfère la Revanche des Sith au Retour du Jedi. Et ensuite je vais mettre Rise of Skywalker. Non je vais mettre Rogue One pardon. Ah excusez-moi. Oui. Ensuite je vais mettre Rise of Skywalker quand même. Je vais mettre ensuite La Menace Fantôme, Le Réveil de la Force, Solo, L'Attaque des Clones et L'Éternité du Light, Gravier pour l'hiver. C'est bien, on est tous d'accord sur ça, c'est bien. Sur les derniers Jedi. Ah, moi, je l'ai mis avant-dernier quand même, je l'ai mis avant L'Attaque des Clones. Quand même, parce que... ouais. Et Solo, ouais. Je sais pas si j'ai envie de le revoir un jour. Hein. Solo, ouais. Ouais. Moi j'ai bien aimé le raid de comment ça s'appelle Castle Run. Non, le raid de Kessel. Mm. Ouais. Non mais il y a des moments. C'est quand même assez beau. Hein. Il est quand même. C'est un vrai moment. Alors ça démarre très mal, ouais. Ça finit très mal, mais ce qui est au milieu est pas désagréable je trouve. Ouais, c'est quand même. Et puis Emilia Clarke, ça fait toujours plaisir. Bah ouais. Elle joue pas très bon. Ouais, elle est pas très très bonne quand même. Hein. Oh, je suis pas d'accord. Je sais pas. Enfin, elle joue mieux que Nathalie Portman dans les 1-2-3. Oui. Ah bah, c'est... Oui, bon, d'accord. Oui, effectivement. Alors, du coup, ça nous fait un classement général qui est officiel. Hein, je pense que c'est le les classement. Oui, mais c'est le classement, du coup officiel de la trilogie de. Voilà, qui est gravé. La référence. Donc c'est l'Empire contre-attaque qui est premier après Un Nouvel Espoir, suivi de Rogue One. Rogue One quand même Air Disney, donc c'est pas fichu. Ouais, bien des Skywalkerisés. En fait, tu te rends compte que c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on t'enlève toutes ces histoires de fils de filles de frères de sœurs, et qu'on te raconte une histoire. En fait. Rogue One est un très bon film de guerre, ouais. Au-delà de ça. C'est un, Ah oui. Puis il te raconte un truc, ouais. C'est vraiment un film de guerre, il se raconte un truc. Et en plus, dans un univers qu'on aime. Donc, puis, okay. Ouais, et puis à la fin, tout le monde meurt. Et puis la fin, quand t'as Dark Vador qui débarque, ouais. Qui désingue tout le monde dans le vaisseau, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule, ouais. C'est assez beau. Ouais. Ensuite, on a Revenge of the Sith, puis La Menace Fantôme, puis Rise of Skywalker, qui est devant Le Réveil de la Force, qui est devant Solo. Puis l'attaque des les mal aimés hein, l'attaque des clones et en tout l'attaque dernier, des clones ouais c'est dur l'attaque des clones ah ouais il y a des alors, ouais. En fait des moi je l'ai revu sympas, quand mais... même et franchement il raconte quelque chose quand même quoi je suis un peu désolé mais bon au moins il y a de l'histoire et... derrière quoi c'est mal joué ah, hein, il est très laid quand même ah ouais, j'ai vraiment du mal il est très laid il est très mal joué mais bon il y a un petit contexte derrière quoi. Bah, même la Revanche des Sith hein, c'est moche hein. Enfin, franchement quand je l'ai revu là je l'ai revu il y a pas longtemps après j'ai pris plus de plaisir que ce que je pensais parce que je trouvais que c'était la deuxième partie du film est vraiment chouette là quand ça commence vraiment à sombrer c'est plutôt bien foutu et la bataille de fin le duel il est très beau ouais c'est beau mais alors sinon oui puis il veut faire du grand drame shakespearien limite et puis du coup il y va à fond et c'est cool quoi. Ouais bah c'est cool hein. Non, c'est... j'ajouterais juste ça d'ailleurs je trouve que ce qui est très bien dans le 9 c'est que ça évoque la bataille au-dessus de la lave du 3 eux ils sont sur l'eau ouais et c'est joli je trouve comme imagerie, comme réponse. Ouais. On va tirer au sort le prochain film qu'on va regarder. Donc là, on a une petite liste de 12 films. Je vais lancer un des 12. Est-ce que c'est Juliette qui nous tirerait au sort d'une main innocente? Alors c'est Raphaël qui va cliquer. Vas-y. Ah bon, sur le bouton. Voilà. Ici. Hop. Nous avons tiré la ligne numéro 6. Et la ligne numéro 6, pour la prochaine fois, votre petit travail devoir à la maison, vous regarderez. Oh non. Willow de Ron Howard. Ah oui. Willow? Willow, ouais. On l'avait dans la liste initiale? Oui, je savais pas qu'on l'avait mis. Ok. Voilà. Willow, ils font une suite d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Ouais. Dont les concepts ont été faits par Moebius quand même. Ah ouais. Willow. Ouais. Bah, Willow, il y a des trucs à dire. Hein. C'est sûr que c'est une époque. Oui, oui, il y a des choses à dire. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le regarder avec Raphaël. Mmh. Ouais. Même okay. Si ça fait un peu peur à c'est des vrai. Moments. Ça fait un peu peur. C'est vrai. Eh bien écoutez, avec c'était Warwick Davis, avec Warwick Davis. Bah, il y a 2-3 acquaintances avec. Ouais. C'est un peu du Lucasfilm quand même. Oui, ah bah, c'est vrai. C'est sûr. Et donc il faut une suite Disney après pas lancer une suite, une production d'une suite. Ah. Bah, avec font... Warwick Davis. Ouais, ouais. Mais ça dépend. Histoire. S'ils font. Regarde ce qu'ils ont fait. 32, moi j'aime bien, tu vois. Donc c'est. Faut laisser ouais. sa chance au truc. Même s'il y a peu de chances que ça marche, que ça fasse un truc bien. Ouais. On verra. Personne a envie de voir une suite à Willow. Non. Non. Mais personne n'avait envie, personne avait envie de voir une suite au retour du live en fait. Voilà. Ok, je voulais redire un peu sur la liste quand même. Je suis content qu'on mette la menace fantôme bien classée quand même, parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce film, sur la menace fantôme, et je trouve que oui. il a été trop souvent dénigré. Et je l'ai revu il y a pas longtemps, et ben il est vraiment bien, je trouve. Il est très beau. Il est sixième. Je trouve que c'était un très bon moment de cinéma quand même. Et puis techniquement, tu peux dire ce que tu veux, mais la menace fantôme, apportait des choses techniquement. C'est... quoi. C'était le début de l'ère numérique. Hein. Ça, ils ont dégrossi énormément de boulot. Hein. Mais bien Jar Jar a pas tant vieilli que ça. Jar Jar Binks, c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Ça a pas vieilli. Ouais, il y a des réflexions bien mieux que technique. Techniquement, c'est exceptionnel. Voilà, alors, on a réhabilité la menace fantôme. Je suis content. Bon, merci à tous les quatre pour ce bon moment. Et donc, on se donne rendez-vous quand tout le monde a revu Willow. Donc, mettez-le sur votre, sur votre playlist quelque part. Et quand on l'a vu, on se donne rendez-vous pour cette deuxième émission. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci. Ceux qui sont restés. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et du coup, j'ai oublié de mettre le générique de fin, mais ça va être. Que la force. Ah merde. Et que la force. Et que la force. Ciné Club.